We are in Merod. Merod, yeah. Merod. This is Merod. Okay, and why are you here? Yeah, we are here because we are participating. We are practicing down for the event 20 kilometer that will take place on Sunday. That's why we just want to make some practice down so that we can get full participation, full activities against Sunday. Denk het feit dat we een heel diverse groep zijn. Sowieso zijn het allemaal mensen van verschillende organisaties. Er zijn mensen van via Bonn, via Link Brussel, ook Pigment en Vluchtelingenwerk. Als ik niemand vergeten ben, ja. En het is ook een heel divers team, hè. Dus ja, mannen, vrouwen, een beetje. De leeftijden zijn ook verschillend, de nationaliteiten. Dus ja, wat maakt ons anders? Ik weet het niet. Het is een toffe ambiance altijd, ja. Oké. Ok, et toi tu vas courir 20 km dans combien de temps? Normalement, il faut pas préparer bien, sinon 1h10 maximum. Ouais. Alors si c'est moins de 1h10, tu as gagné. Normalement, parce que moi je courais avant 21 km, il a 1h19 minutes. T'aimes bien courir? Pourquoi est-ce que t'aimes bien courir? Oui, j'adore courir parce que quand je cours, mon cerveau est un petit peu sort de mes espoirs. J'aime bien réfléchir pendant la course. Comme ça, je suis plus calme et tranquille. Oui, ok. Je m'appelle Ba Abdul Karim, je suis guinéen, j'ai 42 ans, je fais partie des gazelles. Mais dommage, je suis blessé, je ne peux pas participer aux 20 km, mais je suis là pour soutenir le groupe. Parce que courir, ça fait du bien et surtout, les 20 km, c'est de la convivialité. Tu vas rencontrer des personnes, tu vas nouer des contacts. C'est une autre vie et j'espère que, vu ma situation actuelle, je suis sans papier, truc, je me cherche. Et ça va m'apporter beaucoup et avec le contact d'autres nationalités. Parce que j'ai lu dans le métro, il y a 100, c'est pas 23 nationalités et il y a 37 000 coureurs. C'est une première pour moi. Voilà, il y aurait peut-être des contrôles de la police parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici et qui ne payent pas. Ouais, voilà. Donc il y a quand même un risque d'un contrôle et c'est pour ça qu'on a en fait acheté des tickets type. Je ne sais pas comment ça a été. Et pour moi, c'était la première fois que j'ai participé aux 20 km. Et ça va, c'était bien, je trouve vraiment génial. Voilà. En fait, oui, j'ai préparé, mais j'ai préparé pour être bien pour aujourd'hui. En fait, j'ai préparé mon petit déjeuner. J'ai mangé des pâtes avec des champignons, et des œufs et tartines de fromage avec jus d'orange. Voilà. Ce que tu veux. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Benadrama Chaïma. Je suis étudiante et je suis venue à encourager les gazelles de Bruxelles qui organisent donc Camélia, Mob et Burtsport. Et donc on a encouragé et tout. Vraiment, on est vraiment contents parce qu'ils ont vraiment tous réussi. Ils ont été jusqu'au bout. Donc vraiment, bravo, bravo, bravo. Et une prochaine fois, tu voudrais participer toi-même? Moi? Oui, j'espère, oui, on verra, je crois bien. Je me suis entraîné toute l'année, mais par finir, j'ai eu un malaise au niveau du pied, j'ai pas pu participer au marathon. C'est un regret pour moi et je souhaite que je me rétablisse, je me prépare pour octobre et pour l'année prochaine, même si je vais marcher, arriver à 20h pour participer, parce que vraiment, je ne vais pas dormir aujourd'hui. Vu l'ambiance que j'ai vue aujourd'hui, la participation, la mobilisation, ça m'a fait du bien en tant que sans-papier. Et vraiment... You are a group of people? Yeah, this is Gazelle Group of Bruxelles. Say it again. Les Gazelle Group de Bruxelles. Les Gazelles de Bruxelles. Oui, les Gazelles de Bruxelles. Sana gana kum sana.